Le doigt du destin. Livre audio gratuit, un roman de Thomas Capitaine Mainred. Traduit de l'anglais par Finger of Fate. Lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commons.